avec Michel Bilodeau, Marc Chaunet, Bruno Côté et Jean-François Lamarre dans Terra Incognita. Et dès minuit, c'est L'Autoroute, émission rock, prog et psychédélique des années 60 et 70 animée par Stéphane Villeneuve. Bonne soirée sur CKRL. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Bonsoir et bienvenue, chers amateurs de rock progressif, à l'émission Terra Incognita. Ce soir, Bruno Côté et Marc Chaunet avec vous. Bruno et moi, on se partage le choix musical et on débute avec un choix de Bruno. Il nous fait toujours découvrir des groupes. Cette fois-ci, Martigan. Je suis pas sûr si ça n'a pas déjà joué à l'émission. C'est un groupe allemand. C'est leur quatrième album, le plus récent, paru en 2009, intitulé Vision. Il y a une super pièce sur ça qui va constituer pas mal l'essentiel de notre premier bloc musical ce soir. Alors, c'est la pièce Boatman's Vision. Alors, on vous rappelle que nos émissions, vous pouvez les réécouter à partir du podcast de l'émission disponible sur le site de CKRL. Et il y a aussi accès aux feuilles de route. Alors, toutes les pièces qu'on fait jouer dans l'émission, n'hésitez pas à les faire un tour. Alors, c'est Bruno et Marc avec vous jusqu'à minuit et on débute tout de suite avec Martigan. tied on the feet. The year of the chameleon, the statue bring that change. Who's to stay apparently? Who did not accept this? Who will lay his face on just a dream? your face in my hand. A silly feeling in my throat. Man been mentioned by them. A silly weakness and a thought. Turning my coin on the rim. Reading now in spite of choice. Spinning coin over the rim. Quivering for any joy. Carving friends on my head. Coin on our throats. The enemy tried on driving, would simply never understand. Turning my joint on the rim, bleeding out in spite of choice. Turning my joint on the rim, quivering for any joy. The childish eyes adore them, the other lead of the mistake. Shallow seas are known then as the most serious event. Turning my cards on the rim, bleeding out in spite of toys. Turning rhymes over the rim, quivering for any toy. In spite of noise. Inspired by noise, inspired by choice. Between death and thank you.

baby, and we suffocate. The anger of the world up through my eyes. I can't stand anymore all this blinding hate. Make a rise once for all the show of our call. Command instead for my soul. Just to justify. Alors, c'était le groupe italien Ego, tiré de leur plus récent album, leur second, Evoluzione delle Forme, et c'était la pièce Militatio Mortis. Et c'était précédé du groupe français The Black Noodle Project, tiré de leur album Ready to Go, leur plus récent. C'est leur sixième en carrière, et c'était la pièce The World We Live In. Alors, on parle un peu des spectacles qui s'en viennent bientôt au Palais Montcalm le 5 octobre. Le groupe Three Friends, dont deux des musiciens ont joué avec la formation originale Gentle Giant. Et ils jouent du Gentle Giant et c'est un plaisir de les écouter. Donc, le 5 octobre au Palais Montcalm, on rappelle aussi, c'est le 4 octobre que le groupe de Québec Red Sand au Centre d'art La Chapelle, qui présente leur plus récent album Behind the Mask, paru cette année. Il y a aussi Arena, qui est le 10 novembre à l'Impérial de Québec. En première partie, Mystery qui vient de sortir leur nouvel album The World is a Game, et qui nous présenteront ça aussi. Il y a, pour ceux qui vont à Montréal, Rush au Centre Bell avec leur nouvel album. Il y a Peter Gabriel aussi qui est ici en nos murs au Colisée de Québec le 16 septembre. Les billets sont en vente évidemment. Côté spectacle, on aura certainement d'autres surprises qui s'en viennent pour l'automne. À Québec, c'est pas terminé. Il y a Asia le 11 octobre qui sont au Théâtre Capitole. Donc Jeffrey Downs, Carl Palmer, John Wetton et Steve Howe, c'est quatre grands noms. Qui ont fait une réunion pour une année, pour faire une tournée. Une occasion unique de les voir ici à Québec. Il y aura aussi Renaissance à Montréal le 11 octobre au Jésus avec Jérôme Langlois en première partie. Alors ça, c'est côté spectacle. Il y en a certainement d'autres. Écoutez, c'est quand même un monde en ébullition. Puis c'est le fun. Alors on fait vivre ça aussi ici à CKRL avec l'émission Terra Incognita. Et je vous rappelle que c'est Bruno Côté et Marc Chaunet avec vous. Jusqu'à minuit, on poursuit en musique avec le groupe américain Glass. C'est un trio. C'est tiré de Spectrum Principle. C'est leur plus récent album. Et c'est un trio composé de Greg Sherman, Jeff Sherman et Jerry Cook. Et c'est très bon. Alors, on écoutera une pièce intitulée Atonement. Et alors, si vous avez questions ou commentaires, 640-1586, il y a moyen de nous rejoindre ici en studio, ou aller faire un tour là, sur la page de CKRL dans la section programmation, aller faire un tour le samedi soir et vous allez avoir les détails de ce qu'on fait jouer dans les émissions. On y va donc tout de suite en musique avec Glass. Oh,

deepest flood, deep so deep is the sea. To the stars you made, the highest place to be. Only there you have the chance to fly and look over yourself. Become the self you are. Feel the self you Alors, c'était le groupe RPVL, tiré de leur plus récent album, paru en 2012. C'est une nouveauté, Beyond Man and Time. Et c'était la superbe pièce de Fisherman, qui se compose de trois parties, High as the Mountain Part 1, The Abyss, et High as the Mountain Part 2. Ça, c'est vraiment une belle réussite. C'est leur cinquième album depuis 2000, puis c'est un groupe qui progresse vraiment d'album en album. Franchement, cet album-là, c'est vraiment l'album qu'il vous faut. Je vous le recommande, Beyond Man and Time de RPWL. RPWL, c'est RPVL en allemand. Juste avant, il y avait eu un extrait de Gösta Berling Saga. C'était non, une pièce complète, pas un extrait. Tiré de Glueworks, leur plus récent album, aussi paru en 2012. Gösta Berling Saga, qui est un groupe de la Suède, des jeunes musiciens qui rock, et c'est excellent. Et c'était la pièce Waves. Et il y avait eu juste avant, donc, Glass, que j'avais présenté, des États-Unis. On poursuit donc avec le groupe japonais T-E-E. Tiré de leur premier album intitulé The Earth Explorer, tout simplement T-E-E, et ça sera la pièce L'Oiseau Bleu, Trans Europe Express, T-E-E encore, là. Donc c'est le concept, là, vraiment bon, la première pièce avec le sous-titre Departing for the Future. Alors, c'est vraiment un groupe aussi que je trouve intéressant. Donc c'est. C'est un quintet. Donc de musiciens, certainement de formation classique, un flûtiste, c'est très bon en fait. Alors on y va tout de suite avec ça, Ti, tiré de leur premier album, sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. We'll be right back.